Hallelujah. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du plein évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, pasteur Ernest Ayé Touali. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue à ce temps d'antenne qui se veut un temps d'encouragement, un temps d'édification, mais aussi un temps d'évangélisation. Que la grâce de Dieu vous fasse profiter au maximum de ce temps et que votre vie ne soit plus jamais la même après ce temps que nous allons passer ensemble. 15 minutes pour fortifier notre foi, 15 minutes pour reconsidérer notre marche avec Dieu et Dieu vous fera du bien. Aujourd'hui, nous parlerons du secours qui viendra d'ailleurs. Le secours viendra d'ailleurs. Peut-être que vous attendez de quelqu'un un secours, une aide, et la personne tarde, la personne diffère. Alors qu'elle peut le faire, ne vous inquiétez pas. Le secours viendra d'ailleurs. La délivrance viendra d'ailleurs. Si celui qui doit vous aider refuse de vous aider, le secours viendra d'ailleurs. L'aide viendra d'ailleurs. L'assistance viendra par une autre personne, par un autre chemin, par une autre porte. C'est un peu de cette manière que Mardoché a parlé à Esther quand le peuple juif était menacé et que Esther était reine à la cour. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, verset 9 et suivant, il est écrit ceci. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et tout le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Tu es la seule à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive tous d'être dans une situation telle que nous avons besoin d'être assistés, d'être secourus, d'être épaulés. Il arrive que nous soyons tous dans une situation telle que si rien n'est fait, ce serait la catastrophe, ce serait la désolation. Et il se trouve que des personnes qui nous sont très proches, des personnes qui ne peuvent rien nous refuser, sont sollicitées. Nous les sollicitons, elles nous font la bonne promesse, et puis après, silence radio, silence de cimetière, un silence plat. Quand vous les appelez, elles donnent de bonnes raisons pour justifier leur retard. Quelquefois, la colère tend à vous monter au cœur. Le mécontentement tend à vous monter au cœur. Mais laissez-moi vous dire que le secours viendra toujours. David a dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Et lui-même répond en disant, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le vrai secours vient toujours de l'Éternel. Tous les hommes que nous sollicitons, toutes les personnes que nous sollicitons, sont juste des instruments entre les mains de Dieu. Et Dieu peut utiliser l'un comme l'autre pour nous aider. C'est pourquoi il ne faut pas nourrir de ressentiment quand une personne qui ne pouvait rien vous refuser semble vous refuser un service. Quand une personne qui doit rapidement voler à votre secours prend du temps, ne déprimez pas, ne vous révoltez pas, et ne nourrissez pas de la haine et du mécontentement. Car Mardoché a dit à Esther, voici la situation qui prévaut. Le peuple juif va être exterminé, va plaider notre cause chez le roi, va faire avorter le projet chez le roi. Surtout que tu habites le palais, tu es la reine, tu es la femme du roi. Et la reine, et Esther de faire dire à Mardoché, tout le monde sait que Quand le roi t'a pas convoqué, quand le roi t'a pas appelé et que tu oses aller en sa présence, tu seras puni de mort. Oui, cette loi existait bel et bien. Mais que vaut cette loi à côté de ton peuple qui va être exterminé? Et Mardochée ne pouvait pas comprendre que Esther trouve des justificatifs pour ne pas se sentir concerné. Alors il lui dit, ne pense pas que tu vas échapper seul. Ne pense pas que tu es tellement à l'abri que tu n'as plus besoin d'assister ton peuple, d'assister tes parents. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois à la cour royale, que tu sois reine. Mais si tu te tais maintenant, tu es libre. Nous sommes dans un temps des droits. Tu es libre de te taire. Mais si tu te tais maintenant, moi, Mardochée, qui te sollicite, j'ai cette foi que le secours viendra d'autre part. La délivrance viendra d'autre part. Bien mes frères et sœurs, que la position de Mardochée soit notre position. Quand une personne qui doit vous aider ne vous aide pas, quand une personne qui peut vous aider ne vous aide pas, le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra par une autre porte. Le secours viendra par une autre issue. Aujourd'hui, vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous assiste et la personne vous a fait un faux bond. Votre cœur n'est pas content. Vous attendiez à ce que quelqu'un vous rende un service et la personne a refusé de vous rendre ce service. Votre cœur est amer. Vous nourrissez un désir de vous venger, de punir la personne. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Dans la mesure où le secours viendra d'ailleurs, le secours viendra d'autre part. L'assurance que vous devez avoir en tout temps, c'est que si une porte est fermée, Dieu ouvre une autre. Savez-vous que Élie le prophète était au bord du torrent de Kérit vis-à-vis du Jourdain pendant le temps des famines, et à cause de ce que le soleil battait son plein, le soleil brillait chaque jour, réchauffait la terre, le torrent a tari. Le torrent était à sec. Et Dieu s'est révélé au prophète en lui disant, l'eau a tari. Les corbeaux qui venaient t'apporter à manger ne viendront plus ici. Va à Sarepta. J'y ai ordonné à une veuve de te prendre en charge. Le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra toujours de quelque part. C'est pourquoi vous devez toujours avoir la paix au cœur. Vous devez toujours compter sur Dieu. C'est Dieu qui va choisir les hommes ou les femmes ou les circonstances par lesquelles il va vous sauver, il va vous aider, il va vous délivrer. Vous savez que Dieu est venu en nous. Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment pourra-t-il nous refuser toutes choses avec lui? Demande ton secours à Dieu. Lui, il est toujours fidèle. Ça veut dire qu'il tient ses engagements. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans vos difficultés, Dieu sera avec vous. Dans vos moments de pleurs, Dieu est avec vous. C'est lui qui doit vous secourir. C'est sur lui qu'il faut compter. La Bible ne dit-elle pas, maudit soit celui qui se confie en l'homme, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme, et heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, peut-être que vous êtes dans un sérieux problème d'argent et vous connaissez une personne qui peut vraiment vous sortir de situation. Vous vous êtes adressé à la personne et elle tend à se jouer de vous. Et vous sentez que la personne se joue de vous. Or, cette personne était dans les mêmes difficultés. Vous vous êtes sacrifié pour elle. Vous avez tout fait pour elle, pour la sauver, pour la mettre à l'abri du déshonneur et de l'opprobre. Aujourd'hui, vous êtes concerné et la personne se joue de vous. Alors qu'elle peut vous aider, ne vous en faites pas. Le secours viendra d'ailleurs, aujourd'hui même. Si vous appuyez sur l'Éternel, le secours viendra d'ailleurs. Il va vous ouvrir une autre porte. Et peut-être que le Seigneur le fait ainsi pour vous apprendre à ne pas compter sur l'homme, mais à compter sur lui. Mes frères et sœurs, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Pourquoi commettre le péché de compter sur l'homme? Pourquoi commettre le péché de s'appuyer sur l'homme? Pourquoi commettre le péché de porter les regards sur l'homme? Il faut plutôt porter les regards sur Dieu. Permettez que je prie pour vous. Seigneur, je voudrais te recommander tes enfants qui se sont sentis trahis, qui sentent l'ingratitude et l'injustice des hommes, tes enfants qui attendent le secours d'une personne proche, d'un ami, d'un fils, d'une fille, d'un enfant, d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Mais ce secours ne vient pas.